frère, où j'ai donné ça. Quoi, c'était l'argent, ça. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? La vie me fout le cafard, ami. Pétard en bouche le soir, à l'abri des gyrophares, l'enfer se vit. L'espoir se tire de jour en jour. On voit la vie en noir et blanc, torsée par rouge. La rue devient dangereuse, on voit rouge. La nuit, le décor s'assombrit. Beaucoup de gènes paraissent aigris. Donc maintenant, on a compris. Le fric tient le monde par les couilles. On fera tout pour en avoir, le monde part en couille. Si tu veux vivre, faut en avoir. Mon pote fraîche a les mains sales. Mon pote Luciano a les mains sales. Et pourquoi les mains sales? Un œil sur le monde, un œil sur mes finances. 9-7 à l'époque pour la délinquance. Chaque groupe de chacal chasse le bon coup. La chance manque aux mecs fous. Agression ruinée de coups, arrestation directe au trou pour pas de sous. L'esprit gagneur, l'aspect grogneur. Mes potes oublient l'époque de la cisaille, mon seigneur. C'est ça grandir vite. Certains s'enrichissent, les malins finissent par un office en piste. Le monde est à chacun et souvent ça part en couille. Nos histoires nous regardent. T'es en douille de bourge dans la rue. Les douilles dansent avec les seringues. Les tops saignent. Sans remords, les jeunes gonflent, les plaignent. Dans chaque quartier, y avait chaque parrain. Dans les années 80, tradition bonne pour les anciens. Un 9-7-6. Ah là pour le pognon, bonhomme. Un braco, c'est mignon. Tu prends le maximum derrière des barreaux. Sinon, un job de poireau avec un patron poireau. Sinon, planquer des packs dans le béton. Commence à en sortir, rien à foutre. L'avenir, rien à foutre. Partir loin du quartier, t'es fou quoi. Moi, autour de mes potes, ça fait partie du décor. Je représente les miens encore. Dis-moi si j'ai tort. Les mains sales à cause de l'argent sale. Les Marie Curie tout neuf tentent. Les morphales, le monde sur mesure existe dans un coin du cerveau. Sur les nerfs, on est né, on reste. 9h du mat, pète au bec au lieu de se prendre la tête. Sur les maths, on décompresse au max. Les gens nous matent, à coups de marteau. On casse les briques des squats pour le fun. Le jour part, la nuit vient, les fucks sortent. Question de pognon, certains naissent pleins. Les gars que je côtoie chassent pour être pleins. Figure-toi, au ref, à part des arbres cramés. Centre social d'année, les calumets s'allumaient. Je fumais, rien de spécial, la routine. Mais toujours pas le compte plein de fric. Vise dans le regard, on évite les coups foireux de flics. Mec, fais gaffe au fourgon, plancton automatique. Fait partie du même camp, les jaloux ça me stimule. Au fait je reste une crapule. Les amis devenus voyous, voyage de cellule en cellule. Les solutions d'une vie bien, pas le temps de savoir. Laisse-moi avoir du blé, on en reparle le soir. Les mains sales à cause de l'argent sale. Les Marie Curie tout neuf tentent. Les morphales, le monde sur mesure existe dans un coin du cerveau. Sur les nerfs on est né, on reste mec. Si je fais la fête c'est que tout va mal dans ma tête. Tout va mal dans ma tête. Si je fais la fête, c'est que tout va mal dans ma tête. Non, normal, je m'endette. Rien à foutre. J'ai 5 des clients depuis perpète. Des gaines de Mia, belles lunettes, pas trop mon style. Pull avec trou de boulette, ça me va comme un gant. Je gagne mon pain sans acte sanglant, cousin. De partout, les schnappants dépouillent. Pour un portefeuille, vite zigouille. À Marseille, si tu te grouilles pas, les civils te fouillent, fume sur ton compte. T'as beau avoir les bras de Schwarzy. Pour du shit, tu plonges, c'est plus l'époque Yves Mourouzi. Plutôt celle de marijuana, cocaïne, loin de nous. Si je dois finir à genoux, autant refaire Montana Tony. Et Nika, je tire mon chapeau. Aux braqueurs de banque et fournisseurs de popos. Au milieu des descentes, baba. Dur de remonter la pente dans un film où les acteurs plantent à tout va sur les boulevards ou au coin des ruelles sombres. Garçon, si ton manche suit pas, tu tombes. Je tiens le micro comme quand je pisse, mais rime plus la vérité. Chirac doit flipper, mais je n'ai pas d'autre métier. Les mains sales à cause de l'argent sale. Les Marie Curie tout neuf tentent. Les morphales, le monde sur mesure existe dans un coin du cerveau. Sur les nerfs, on est né, on reste. Le compte plein de frais rassure. Assis sur la pierre ou appuyé sur les murs. On pense jamais au futur, plutôt aux petites coupures.